Bonjour à toutes et bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus Lille et vous écoutez Goodbye Kevin, la 272e émission, avec moi-même, Léna et Pierrot. Désolée, normalement on dit Pierrot avant. C'est pas grave, ah, tu t'es présenté avant, mais bon, ouais. Honneur aux dames. Ça va Pierrot ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Ouais, le pollen il est là, ça me fait plaisir, moi j'adore ça. Les yeux me grattent, le nez me gratte, la gorge bon me gratte. Bon délire. Je sais pas si je préfère les moustiques au pollen. Quand même, non. Ah ouais, c'est à ce point-là. Ah oui, c'est fatigant. Mais quel meilleur remède que la musique pour me remettre sur pied ? En tout cas, ça coûte moins cher. Enfin, ça dépend. Bah ouais. Bon, c'est très australien de mon côté cette semaine. On va commencer avec un trio de Melbourne qui est porté par une blondie punk. Puis après, on va écouter un peu d'électro chelou, mais bien. À nouveau du punk australien, mais là, un poil plus vieux. Quand je dis un poil plus vieux, c'est 5-6 ans. Hein, ah oui, d'accord, j'allais dire 10-20 ans. Ouais, c'est pas les années 80 ou 90. Puis on enchaînera avec le groupe australo-britannique que je vais passer depuis des semaines, qui a une carrière longue comme 30 autoroutes. Et enfin, on va écouter, un peu comme à chaque fois, un groupe pionnier de la nouvelle scène jazz. Mais là, ils viennent pas d'Angleterre cette fois-ci. D'accord. C'est ça la nuance. Très bien. Moi, niveau diversité, on a à Londres et après, c'est aux États-Unis. Hein. Donc, c'est pas mieux. C'est anglo-saxon. Voilà. Donc, on va commencer par Londres avec un petit featuring aux sonorités hip-hop, trip-hop, tout ce que j'aime. Ensuite, on ira à New York pour un projet expérimental et brumeux. On écoutera également de la folk un peu jazz de l'Illinois ainsi que du bedroom rock de Nashville. Et on restera encore un petit peu au States, mais à Détroit cette fois, avec un super groupe expérimental. Et puis, si on a encore le temps, on écoutera un extrait du dernier album d'un des groupes phares du shoegaze des 10-15 dernières années. Voilà. Ah. Et ben, on commence avec un peu d'énervement avec Amil and the Sniffers. Ah, j'étais sûre que c'était eux. Voilà, donc 3 ans après leur dernier disque, ils font leur grand retour avec un single, quoi, 2 singles même. You Should Not Be Doing That, sorti chez Rough Record, et ben c'est bien punk. C'est plutôt une soufflante où elle exprime avec sa voix typique, sa voix éraillée, son ras-le-bol face à ses détracteurs, notamment face à sa tenue, son style, ah ouais, ce qu'elle renvoie, mais également face au mascu. Et les 2 singles sont très très chouettes, comme un peu tout ce que fait ce groupe-là. J'aimerais bien les voir sur scène. Mais en attendant, on va écouter You Should Not Be Doing That et Facts de Amil and the Sniffers. About that. Facts de A Meal and the Sniffers. Eh ben, c'est bien parce que ça, on va pas du tout changer d'univers. C'est une dinguerie. C'est. J'avais passé il y a quelque temps le projet un peu trip-hop d'un gars qui s'appelle Headache. L'école de commerce, l'EDEC. Mais non, j'arrive pas à le dire. Non, si c'est ça, je le prononce bien. Je sais pas si tu te souviens, lui, il avait la particularité, il chantait pas, il parlait en fait sur ses trucs et tout. Un album avec une pochette, enfin une photo, photo un peu dans les tons bleus, gris, avec une grande bande noire où il y avait marqué Headache. Et puis tu l'avais en version digitale, pas CD ou vinyle, quoi, un truc comme ça. Non, je sais pas. Bon, bref, en gros, sur cet album, il avait collaboré avec Vegin, je ne sais pas. Qui est un producteur londonien qui travaille aussi bien pour les clubs que pour les rappeurs. Et bien lui, il a sorti un album en avril qui s'appelle The Road to Hell is Paved with Good Intention. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon appétit. Très bien. Sorti chez Please Make It Rains et sur lequel il a invité plusieurs artistes, dont John Glacier. Et qui est John Glacier ? C'est une artiste londonienne que je suis depuis quelques temps et dont j'apprécie beaucoup le travail. Elle fait un peu genre poésie, punk, elle a pas mal d'influences comme ça. C'est vachement chouette. Bref, c'est une chouette collab. On va écouter donc leur morceau à deux qui s'appelle In the Front. Another day, another dollar. Wait, what? C'était quoi ? C'était Vegin avec John Glacier. Et d'ailleurs, Vegin, là, j'ai vu qu'il avait sorti un autre single avec Animal Collective et je sais plus qui, Monkey Bee, c'est possible ? Ouais, peut-être, je ne sais pas. Bref, qui a l'air pas mal. J'irai écouter tout ça et puis peut-être que je vous le passerai la semaine prochaine. C'est vraiment gentil, ça. Voilà. Tu veux que je regarde ? Non. Gardons-nous la surprise. Partons. C'est marrant, hein, ça va être trois styles différents pour cet début d'émission. On part un peu plus sur de l'électro avec LFT, qui veut dire Love First Tears. J'écris fist. Je sais pas. Qui a sorti un album en 2021 qui s'appelle Souls. C'est un disque qui est électro-wave super groovy. Et globalement, cet artiste, il prône le do-it-yourself et il en fait son cheval de bataille. Ce qui nous fait un disque plutôt dansant, bizarre et génial. Bizarre. C'est sorti chez Mannequin Records, qui est un label plutôt électro-tendance, synthétique wave, EBM & Co. Et nous, on va écouter le morceau Smell of Metal. Et Smell of Metal, c'est un peu peut-être le goût du sang. Parce que parfois, on dit que le sang, il a goût de métal. Je sais pas. Je pose la question. Je pose ça là, je vous laisse réfléchir avec LFT. Mais smell, ça veut dire odeur. Ah ouais. L'odeur du sang, là. Bagarre. LFT Smell of Metal dans Goodbye Kevin, émission 272. Très très chouette, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je tenais à te le dire, mais ne me dis pas. Voilà. Merci. De rien. Merci pour lui. Très de bien. Rien. On enchaîne avec Chanel Beds. Et Chanel Beds, c'est le projet du musicien new-yorkais Shane Labers. Labers. Alors, pour son premier album, You Day Will Come, qui est sorti chez Jacques Jaguar le 4 avril dernier, enfin en avril dernier, pardon, plutôt, il a collaboré avec une autrice, compositrice, interprète, ainsi qu'un instrumentiste expérimental. Et alors, c'est chouette parce qu'ils viennent chacun donner un peu leur palette de sonorités, de sentiments ou projets. Et ça donne un album un peu brumeux, un peu surréaliste, un peu distordu parfois, mais c'est assez chouette à écouter. Un peu à mi-chemin entre l'onirique et le cauchemardesque. Voilà, un peu le yin et le yang. Bref, on va écouter un extrait de cet album, et l'extrait s'appelle « I Think I Saw », et c'est les Chanel Beds. C'était Chanel Beds avec I Think I Saw, voilà, un peu de vocodeur sur cette voix, un petit peu distordu comme je t'ai dit, un peu surréaliste. I think I saw, ça fait un peu chanson, I think, ah, ça fait chanson de centre de loisirs, I think I saw. Eh ben nous on va écouter du punk maintenant, wouhou, rien à foutre des parents, je suis encore au centre de loisirs. Ouais, je vois pas. On va écouter le premier album d'Aborted Tortoise. De quoi ? D'Aborted Tortoise, comme on dit. Tortoise. Tortoise, qui s'appelle Unbeach, sorti en 2017. Et cet album, c'est à peu près tout ce que vous pouvez attendre d'un disque punk d'Australie occidentale. Très bien. C'est-à-dire 15 titres, une durée d'un album d'une demi-heure. J'allais dire 20 minutes. Beaucoup de coups de soleil et une étincelle salée de surf rock. Pa-pa-pa. Donc, vous avez le côté lo-fi des Sonics, la sensibilité des Ramones et l'inventivité musicale des Dead Kennedys. Pa-pa-pap. C'est un délire. On va écouter deux morceaux. Le deuxième sera plus court que le premier. Je l'avais dit, c'est court. On va écouter No Skin et Wasted Goods des Aborted Tortoise. Aborted Tortoise avec le morceau Wasted Goods. Je veux dire que c'était chouette, même si je t'avoue qu'en ce moment j'écoute pas trop de punk, c'est ce que je te disais en off. Je suis plutôt sur des trucs un peu plus doux. Ouais, bah, on en a déjà parlé. À chaque printemps, moi j'ai une phase un peu reggae ou rocksteady. Ah ouais. Voilà. Quand il y a le soleil. Oui, c'est vrai. C'est quand ça me démange le nez, je me dis soleil il est là, j'éternue, hatchoum. Eh bien, du coup, je vais vous emmener en balade. On va aller garder des moutons avec Anna Frances. Elle, c'est une compositrice, guitariste, interprète et poète. Elle fait de la folk qui mêle le jazz, le rock progressif et aussi l'avant-folk. Elle a une voix vraiment de foufou, j'aime beaucoup. Son album « Keeper of the Shepherd » est sorti en mars. Il a été nommé dans la catégorie « Best New Music », « Meilleure Nouvelle Musique » au Pitchfork Award, figure-toi. Et donc nous, on va écouter un extrait éponyme qui s'appelle « Keeper of the Shepherd », le gardien des moutons. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on va aller en balade. J'ai capté. Hein. Ah ouais, t'as capté. Et du coup, c'est Anna Frances, vous allez voir, c'est très chouette. To the C'était Anna Frances avec Keeper of the Shepherd. Et sur ce morceau-là, je trouve qu'il y a un petit côté Grizzly Bear assez chouette. Voilà. Je partage. C'est vrai qu'il y a cette ambiance. Ouais. On part sur un groupe mythique, un groupe très très connu. mais qui sait que ça va être les Bee Gees. Ah bah oui, très bien. Ah ouais, c'est un délire, c'est un délire. On va écouter un extrait, un tube, c'est un tube. Mais sauf que c'est un morceau que j'aime beaucoup, quoi, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, et je l'aime beaucoup, je le trouve d'une douceur. C'est le morceau I Start a Joke. I Started a Joke. Peut-être. C'est I don't know. Issu de l'album Heidi, qui est sorti en 68. C'est leur cinquième album, le troisième à l'international. Et à l'époque, bah, ils sont déjà bien, bien, bien leur succès. J'ai précisé que c'était en 68. Oui. Bon, bref, ils font des tournées, ils sont à donf, et là, ils doivent sortir encore un single, tu vois, pour garder la barre haute, tu vois, un peu comme Jul, c'est un peu Jul de l'époque. Et donc, ce qui est marrant avec les Bee Gees, c'est juste qu'ils ont une carrière qui fait 40 ans, même plus, 50 ans. On se souvient que d'un tube. Non, ouais, ça dépend, mais ils ont eu différentes périodes au cours de leur carrière, ils en ont même trois. Il y en a une où ils étaient plus sur la pop britannique à la fin des années 60 et début 70. Après, ils ont pris la vague disco, donc je pense que c'est la vague disco qu'on connaît beaucoup. Oui. Et après, dans les années 80 jusqu'à 2000, ils sont plus allés vers le soft rock. Donc là, on est plutôt sur de la pop britannique. Exactement, bien vu. On retient les dates. et donc voilà, c'est juste, je voulais vous partager. Je me suis dit, c'est marrant. Hey, plein de vie c'est dans un une aspect vie. Qu'on ne connaît pas de. Ouais, ou sauf moins. Les fans des Bee Gees. Oui, ou... voilà. Voilà, allez, I Start a Joke des Bee Gees. I started a joke, which started the whole world crying, but I didn't see that the joke was on me. C'était les Bee Gees. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord, très bien. On continue avec The Swing Club. Ils viennent de Nashville, ils font du bedroom rock teinté de grunge des années 80, de petites touches de punk, et puis bah, forcément ils sont influencés par la scène indie de Nashville. Nashville, capitale. C'est pas le Texas ? Non, capitale des compositeurs, Pierrot. Et alors aussi de la country, mais en vrai plus des compositeurs. En gros, tu veux écrire de la musique ? Bam, Nashville. C'est connu. That is known, Pierre-François. Ah ouais, je connaissais juste un groupe qui c'était Nashville Pussy. Ah ouais ? C'est tout. Ouais. Ah non, mais Nashville. Bah, Nashville. Et country aussi, forcément, il y a un énorme bagage. Mais en vrai, c'est pas que la country. C'est quoi aussi ? Sachez-le. Bah, c'est juste, tu veux écrire de la... C'est les compositeurs. Ah ouais ? C'est capitale des compositeurs. C'est comme une ville des écrivains, quoi. Exactement. Mais pour la musique. Pour la musique. Ah ouais. Voilà. Dinguerie. Eux, ils sont en pleine finalisation de leur premier album, dont la sortie est prévue pour cet été. Du coup, on va écouter un single qui s'appelle Loser For You. Et dessus, tu as Susanna Joffre qui est en featuring avec eux. Je ne sais pas qui c'est, je t'avoue que je n'ai pas poussé les recherches plus loin que ça. Donc c'est The Swing Club et Susanna Joffre avec Loser For You. Tu vas voir, c'est très grunge. Club avec Susanna Joffre avec Loser For You, voilà voilà. Eh ben, on va partir. Je vous avais parlé de nouvelle scène jazz anglaise ou les nouvelles scènes jazz tout court. Souvent, on pense à l'Angleterre, oui. Mais là, c'est des gens qui viennent de Toronto qui sont assez connus. C'est les Bad Bad Not Good. Ah. Et donc, les Bad Bad Not Good. Qui se sont formés ? Bah, ils étaient toujours formés. En fait, c'est bien. Ils faisaient beaucoup de tournées. Mais moi, j'ai cru entendre Pierrot. Qu'ils s'étaient séparés. Non, non, non. C'était Youssef Kamal et l'autre qui s'est séparé, les Anglais, là. Ah. Non, non, non. D'accord. Peut-être qu'il y en a un qui est parti, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression. Non, d'accord. Très bien. En tout cas, ils étaient énormément tournés dans le monde entier puisqu'ils sont devenus très, très connus. Et début 2024, ils ont voulu retourner en studio. Donc, ils ont fait appel à différents musiciens de la scène de Toronto et avec également des musiciens qui tournaient puisqu'ils tournaient pas que... 4-3, ils sont beaucoup plus nombreux sur scène. Et donc, il en est sorti qu'ils ont fait une semaine d'enregistrement assez poussée et productive à Los Angeles en février 2024. Et donc, il en est sorti de cette session une série qui s'appelle Mid Spiral, qui est en trois parties. Trois parties qui est sortie en version numérique les trois dernières semaines. Mais c'est ouf, c'est super rapide. Voilà, ils ont. Ouais, bah ouais, février 2004, ils ont sorti 3 EP, boum, boum, boum. Ah oui, ils ont été efficaces, les gars. Prolifique. C'est ça que tu voulais dire tout à l'heure. Je crois, ouais, je m'en rappelle plus. En tout cas, pour ceux qui veulent acheter le vinyle, il sort en octobre 2024, donc il n'est pas encore disponible. Et donc, à travers ce projet qui s'appelle Mid Spiral, sorti chez XL Recordings, ma foi, XL Recordings, ils n'arrêtent pas de sortir des trucs plutôt pas mal ces derniers temps. Ils reviennent à leurs racines du jazz instrumental, où ils repoussent encore les limites du genre, où ils incorporent encore le hip-hop, la néo-soul, du psychédélisme, du funk et bien plus encore. Donc c'est assez cool. Et au final, quand ils ont réécouté ces sessions, il en est sorti trois moments distincts qui reflètent un peu le reflet profond de la situation des musiciens sur leur propre vie personnelle et ainsi que l'état du monde au sens large. En écoutant, ils sont dit putain, il y a trois mouvements qui sortent de ce qu'on vient de faire. Donc, ils ont sorti ces trois EP, ils ont chacun un nom qu'on retrouvera dans le même album. Mm-hmm. Le premier, c'est Chaos, le deuxième, c'est Ordre, et le dernier, c'est quoi, c'est Order, ouais. Et c'est Growth, le dernier, Croissance. Ah. Donc, c'est assez intéressant. Hein. Nous, on va écouter un extrait de la première sortie qui était Chaos. On va écouter Last Loaf, dernier rire, Last Loaf. Loaf, voilà, merci. Et Your Soul and Mine. C'était long, mais il y avait plein de choses à dire sur Bad Not Good. Mais c'est bien, tu t'en es bien sorti. Je te remercie. Bravo Pierrot. J'ai un bon point. Ouais, t'as un bon résumé, une bonne fiche de lecture. Et ça se trouve, on finira sur ces deux derniers morceaux. On verra si on va vous dire au revoir. Bad Not Good dans l'émission 272 de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. C'était Bad Bad Not Goods avec le morceau Your Soul and Mine. Très très chouette, vraiment très beau retour en fanfare, j'ai envie de te dire, Pierrot. Ouais, alors j'ai plus écouté le premier EP KO parce que c'est le premier sorti. Ouais. Et les deux autres sont aussi bien. J'ai pris le temps de tous les écouter. Je vais aller faire de même, je pense, demain matin. C'est le premier truc que je fais, c'est ça. C'est toi demain matin ? C'est ça. Et si ça vous a plu, ben, sachez que ce soir à l'aéronef, il y a Midlife qui joue. C'est un groupe australien, instrumental, un peu comme les Surprise Chefs. Mmh. Donc allez-y, voilà, si vous voulez rester dans l'ambiance. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Ouais. On vous souhaite une bonne après-midi sur Radio Campus Lille et on vous laisse avec le Festin Nu. À la semaine prochaine. Au revoir.